Troisième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au 70e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui, nous parlerons donc des réparations d'après-guerre. Après avoir écouté lundi ceux qui, comme Raoul Wallenberg, ont tenté de sauver les Juifs de l'extermination, puis avoir écouté hier le documentaire d'Anaïs Quien et de Françoise Camard sur le camp du Struthof que je vous conseille d'écouter ou de réécouter sur notre site franceculture.fr, nous allons ce matin, dans cette émission d'archives du mercredi, nous intéresser au débat sur les réparations. Avec Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine avec nous, nous discuterons avec Jean-Marc Dreyfus, qui enseigne à l'université de Manchester et qui vient de publier chez Flammarion l'impossible réparation, avec Anaïs Vorka, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure entre autres d'Auschwitz expliqué à ma fille. Elle a participé à la commission dite Matteoli. Elle a très récemment publié, puisque ça vient de sortir, aux éditions donc du Seuil, 1945, La Découverte. Et puis nous serons également avec Joanna Nisler. Elle est étudiante en histoire à Paris 1 et elle prépare une thèse sur la restitution et les réparations d'après-guerre. S'il est une exposition que les Français attendaient avec impatience, c'est bien celle qui est actuellement présentée à Paris. Dans les grandes salles claires du musée de l'Orangerie, aux Tuileries, sont en effet rassemblés en ce moment les chefs-d'œuvre des collections françaises retrouvées en Allemagne. Et dès l'entrée, c'est un éblouissement. Un ensemble d'une telle somptuosité que l'on demeure vraiment écrasé par l'ampleur des vols allemands au détriment des collections françaises. Watteau, Fragonard, Latour, voisine avec Velázquez, Rubens, Van Dyck, bien des maîtres étrangers. Et l'ensemble est d'une diversité et d'une beauté qui font de cette exposition une des plus belles qui depuis longtemps ait été offerte certainement au public parisien. Une carte piquée de drapeaux alliés indique les points où ces pièces ont été retrouvées. Et tout naturellement, une question vient à l'esprit, c'est de savoir dans quel état se trouvaient ces toiles quand elles ont été récupérées. Cette question, nous allons la poser à M. Henrot, président de la commission de récupération artistique. Dans l'ensemble, les tableaux sont arrivés en très bon état. Pour la bonne raison, c'est que les Allemands n'avaient pas eu le temps d'ouvrir les caisses et qu'elles sont restées dans l'état où elles avaient été expédiées de Paris. Je ne sais pas si vous savez comment cela se passait. Toutes les collections particulières visées par les Allemands étaient réunies au musée du Jeu de Paume, où on faisait des expositions admirables. Le maréchal Göring est venu lui-même 20 fois examiner, inaugurer ces expositions. Il faisait là le choix pour Hitler d'abord, pour Göring lui-même ensuite, et ensuite pour Ribbentrop et puis certains musées allemands. C'est très éclectique comme choix. D'ailleurs, il y a des toiles très modernes à côté de toiles classiques. Oui, ces toiles modernes ont été retrouvées principalement aux environs de Paris. Quelques-unes ont été retrouvées en Allemagne, mais les Allemands, qui ne goûtaient pas à notre art du 19e, en somme, en tout cas du 20e, s'en servaient comme des monnaies d'échange. C'est ainsi que nous savons qu'à Florence, nous allons les retrouver bientôt, ont été vendus, ou du moins échangés, 20 impressionnistes admirables de l'école française, qui ont été échangés par Göring contre des meubles italiens du 16e ou du 20e, je n'en sais rien, je ne les ai pas vus, mais évidemment ils s'en servaient comme de monnaie d'échange. Il y en a comme ça en Suisse aussi. Et on va pouvoir les retrouver. Oui, nous avons la liste de tous ces tableaux-là, les gouvernements italiens et suisses sont complètement d'accord avec nous, et ces tableaux-là reviendront un jour ou l'autre. Je vous remercie infiniment, je ne veux pas vous déranger plus longtemps dans vos occupations. Et ce n'est pas sans regret que nous quittons cette exposition, où la France peut sentir, par la réunion de tant de chefs-d'œuvre, une partie, et non la moindre, de ce qu'elle a failli perdre. Voilà donc une archive, bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Qui date de 1946, c'est ça? Oui, on entendait une interview faite par Michel Robida, et on entend donc cette partie émergée de l'iceberg des questions matérielles de restitution d'après-guerre. Alors ici, il est question effectivement d'œuvres d'art, mais à la même période, il y a des expositions d'objets beaucoup plus quotidiens, beaucoup moins exceptionnels, qui posent question dans leur restitution et dans l'identification de leurs propriétaires. Oui, bonjour Annette Vierka. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. C'est vrai que d'une certaine façon, c'est un peu ces expositions d'art d'après-guerre sont un peu l'arbre qui cache la forêt de la réparation, des restitutions, parce qu'il y a évidemment bien d'autres sujets qui sont sur la table, en négociation, en discussion à l'intérieur du pays, en France, mais également entre la France et l'Allemagne, entre les alliés à l'Allemagne, à savoir les restitutions de tout un tas d'autres sujets, et puis également les réparations qui sont liées à la déportation et à la mort de millions de personnes dans les camps nazis. Alors, je crois, pour être clair et pour montrer l'ampleur et la complexité du sujet, qu'il faut distinguer plusieurs choses. La première chose, c'est la persécution et l'assassinat des personnes. Donc, quand les Allemands, après la création de la République fédérale allemande, mettent sur pied des lois, c'est des lois de Wiedergutmachungen. Je m'excuse auprès de Jean-Marc Dreyfus, qui connaît mieux l'allemand que moi. Donc après 1949. Après 1949, ce sont des lois des années 50, qui sont donc des lois de réparation pour des préjudices subis, de la même façon qu'un certain nombre de pensions seront mises sur pied en France. Donc ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le domaine de ce que les Allemands appelaient l'aryanisation. C'est-à-dire des biens qui ont été confisqués aux Juifs par ce que l'on appelle, que le grand juriste Léon Kahn a appelé, un vol légal. Pour l'historien, c'est pain béni, parce que comme c'est légal, il y a une administration ad hoc qui est le commissariat général aux questions juives, et ça laisse des archives. Mmh. Donc on peut très bien tracer le devenir de ces biens. Et la troisième catégorie dont il est question ici dans le sujet, qui est elle aussi très compliquée parce qu'il y a aussi plusieurs types d'acteurs, c'est ce qu'on appelle le pillage. Or la question du pillage, c'est qu'il laisse, alors pas toujours, pas notamment dans la première phase de confiscation d'œuvres d'art par les nazis, mais le pillage laisse pas de traces. Ça se fait de la façon suivante. Les Juifs sont partis, pas forcément à Auschwitz, ils peuvent très bien être partis en zone libre. Les Allemands ordonnent de mettre les scellés. On met les scellés, on boucle les appartements. On réquisitionne les entreprises de déménagement. Et on vide littéralement tout ce qu'il y a dans les appartements. Et quand les gens rentrent, l'appartement, s'ils récupèrent leur appartement, s'il a pété loué à quelqu'un d'autre, l'appartement est vide, jusqu'aux prises électriques qui ont été arrachées. C'est ce que décrit d'ailleurs un de vos héros, à savoir Meyer Levin, que vous suivez dans son reportage en Europe. Il est écrivain, il est journaliste, et dans votre dernier livre, vous le suivez avec un photographe qui l'accompagne dans la découverte des camps nazis et l'ouverture de ces camps. Mais vous racontez d'abord son arrivée à Paris et sa surprise justement de voir ces appartements entièrement pillés, en l'occurrence... Jusqu'aux prises électriques. Alors pourquoi j'ai cité jusqu'aux prises électriques ? Parce que Meyer Levin, dans ses dépêches, que bien évidemment je n'avais pas lues au moment où on a fait les rapports de la mission Matéali, a exactement la même phrase que celle qui ouvre le rapport sur les pillages que j'avais écrit. Donc je retrouve sous la plume de Meyer Levin, 70 ans après, cette même expression pour exprimer ce pillage radical et systématique. Jean-Marc Dreyfus, vous venez de publier chez Flammarion un livre extrêmement intéressant qui s'appelle L'impossible réparation, déporté, bien spolié, hors nazi, compte bloqué, criminel de guerre, avec un sous-titre Quand le Quai d'Orsay négocie avec l'Allemagne entre 1944 et 2001. Et vous y faites une longue histoire de cette histoire, justement, de ce qu'on appelle les restitutions ou les réparations. Vous partez même avant-guerre, puisque vous vous interrogez sur la présence de juifs dans l'administration française du Quai d'Orsay, ce qui pourrait expliquer le type de négociations qui sont menées après-guerre, ou plutôt, en l'occurrence, l'absence de juifs dans cette administration française de l'entre-deux-guerres au Quai d'Orsay. Mais vous y racontez aussi comment s'établissait, justement, le ministère des Affaires étrangères allemand, puisque en fait vous voyez ça du point de vue diplomatique à partir des archives diplomatiques et des négociations qui ont été menées entre ces deux ministères des affaires étrangères, entre la France et l'Allemagne, mais également avec les autres alliés après-guerre. Jean-Marc Dreyfus. Oui, en fait, j'ai tenté de déplacer la question des réparations en allant dans les archives diplomatiques qui avaient été un peu exploitées, si j'ose dire, et que j'ai regardé de façon, j'espère, systématique, ce qui m'a permis de décrire des négociations qui avaient été peu décrites, voire pas du tout, et qui avaient été peu décrites du côté français, qui l'avaient été un peu plus par nos collègues allemands. Et donc, ça, je pense, a porté une vision un peu différente. En particulier, j'essaye de montrer que l'édifice de ces Wiedergutmachung, comme l'a mentionné Annette Wiewiórka, a été en fait largement, en tout cas jusqu'à la fin des années 50, imposé par les Alliés. C'est même ces lois allemandes, donc la loi la grande loi de dédommagement, la loi Beg, qui date de 1951, en fait, elle a son origine dans les premières ordonnances américaines dans la zone d'occupation. Et on arrive à suivre, quand on regarde les archives diplomatiques, très bien, les Alliés qui disent aux Allemands, vous continuez la politique que nous avons commencée dans nos zones d'occupation, et surtout, si vous voulez avoir votre indépendance, c'est-à-dire que l'Allemagne fédérale, on parle de l'Allemagne de l'Ouest dans ce cas-là, si l'Allemagne fédérale veut redevenir un État indépendant, c'est une condition. Et c'est dans le traité de 1954 qui rentre en application en mai 1955, vous continuez les politiques alliées. Donc ça minore un peu disons l'enthousiasme de certains Allemands envers les réparations aux victimes du national-socialisme. Anaïs Kien. Jean-Marc Dreyfus, peut-être pour clarifier immédiatement ce premier mouvement dans l'indemnisation, on a d'abord deux types d'accords, deux types d'affirmations. D'abord une première loi française en 1946 qui affirme le droit à la réparation intégrale et qui concerne tous les Français spoliés, seule la nationalité compte finalement. Et les lois allemandes, les accords franco-allemands du début des années 50 vont progresser dans la reconnaissance des spoliations proprement antisémites. Alors, les spoliations antisémites, elles ne sont, donc en dehors d'Allemagne, elles ne sont indemnisées qu'à partir de 1957 par les Allemands. Elles ont été en partie indemnisées par l'État français, pas très bien. Il y a des choses qui sont passées dans les dommages de guerre. Mais enfin, Annette Wiewiórka et moi-même, enfin avec d'autres, nous l'avons décrit largement. Il y a tout un édifice législatif français qui se met en place, en fait, dès 1944, dès août 1944. Et qui, il y a plein de trous en fait. Il y a plein de trous. Et toute cette histoire de la réparation, finalement, on peut la voir sur la longue durée. Là, on a 70 ans de recul. On peut la voir comme une tentative d'essayer de combler les trous. Et puis il y en a encore. Et puis au fur et à mesure qu'on rajoute une loi, on voit que ça suffit pas. Ça, c'est naturellement lié à l'immensité de la destruction et du pillage. Oui, et ça tient aussi aux évolutions internationales. Une Allemagne de l'Ouest qui est tombée dans le giron de l'Alliance Atlantique, une Allemagne de l'Est qui est tombée dans le giron soviétique, la création d'un État, c'est-à-dire l'État d'Israël, qui va aussi participer à ces discussions internationales avec l'Allemagne. Tout cela participe de discussions multiples. Annette Wiewiórka. Oui, si on regarde côté français, le modèle, c'est quand même 14-18. Les dommages de guerre, enfin, il y a cette expérience-là de 14-18. En ne voulant pas aller aussi loin. En faisant comme on peut dans l'état aussi de la France. D'après-guerre, oui. Voilà. Mais alors, du côté allemand, ce qui est très intéressant, c'est les grands accords qui sont les accords du Luxembourg. Parce qu'on a quelque chose d'inouï. On a des accords entre deux États qui n'existaient pas au moment des faits, puisque la République fédérale d'Allemagne, qui décide d'assumer l'héritage du Troisième Reich, n'existait pas. L'État d'Israël est créé en 1948. Et puis il y a ce que les Américains appellent une « umbrella organization », qui est donc une organisation parapluie qui rassemble toutes les grandes organisations juives dans le monde, que l'on appelle la Claims Conference, qui existe toujours aujourd'hui, qui a toujours plein de programmes d'indemnisation, qui est présidée par le président du Congrès juif mondial, Nahum Goldman. Et ces négociations donnent des accords qui sont des accords d'indemnisation collective aussi, pour essayer de reconstituer, enfin pour essayer, c'est vain, mais pour permettre une renaissance de la vie juive. Alors, vous êtes avec nous également, Johanna Nisler, vous êtes étudiante en histoire, vous préparez une thèse justement sur cette question des restitutions et des réparations. Par rapport à ce qui vient d'être dit à la fois par Nadia Vurka et par Jean-Marc Dreyfus, qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur cette immédiate après-guerre et le moment justement où, en ces 5 ou 6 années d'après la Seconde Guerre mondiale, commence à se mettre en débat, pourrait-on dire, cette question des réparations en relation avec les réparations de la Première Guerre mondiale, mais se différenciant aussi dans le contexte international de guerre froide de ces réparations de Première Guerre mondiale, Johanna Nisler. Peut-être qu'on pourra rajouter plusieurs choses. D'abord, puisque nous sommes dans la semaine de commémoration de l'ouverture de Birkenau le 27 janvier, donc 1945, quelles sont les réparations qui ont été les aides qui ont été proposées aux rescapés, justement, qui revenaient sur le territoire français à partir d'avril, mai 1945. Alors là, c'est Annette Vivurka qui a écrit donc, un livre dans lequel j'ai appris donc, qu'à partir de mai 1945, il y avait une ordonnance qui proposait, entre autres, donc un statut aux déportés rapatriés, qui impliquait des aides aussi. Donc, il y avait une somme d'argent qui était attribuée. On pouvait être en congé pendant un mois rémunéré. Le conjoint de la personne pouvait aussi bénéficier d'un congé rémunéré, etc. Or, cette mesure était, début mai, réservée aux citoyens français qui revenaient de déportation. Mmh. Fin mai, on a ajouté les Français, on a élargi les droits aux étrangers qui avaient leur domicile en France avant la déportation. Mmh. C'est-à-dire que les déportés de France pouvaient tous bénéficier des mêmes avoir les mêmes droits. Sauf, et là, c'est pour rebondir sur ce que vient d'expliquer Annette Vivurka, sauf que les Juifs en France ont été donc victimes de cette spoliation radicale de tout ce que contenait leur foyer, c'est-à-dire que donc jusqu'aux prises électriques, mais évidemment aussi les papiers, et l'appartement n'était plus les gens ne retrouvaient pas leur appartement, leur bail, des papiers qui pouvaient prouver qu'ils avaient un domicile en France avant la guerre. Mmh. Donc en fait, s'ajoute à ça que à partir d'avril, mai, donc à partir de l'ouverture des camps de concentration sur le territoire allemand, viennent en France aussi de nombreuses personnes qui n'avaient pas été déportées de France, mais qui étaient polonais, tchécoslovaques, qui ont été libérées des camps nazis et qui se sont rendues en France, soit pour y rester, soit en transit pour d'autres pays. Et qui n'avait droit à rien, qui dépendait en fait de l'aide privée, des fondations privées. La France aurait dû indemniser des gens qui ont été déportés par d'autres pays. Non, je ne dis pas qu'elle devait, mais que la situation pour les gens qui venaient était donc que les étrangers étaient regroupés. Alors là, je cite les travaux de Laure Fourtage qui travaille là-dessus. Ont été regroupés dans des centres d'accueil, notamment à Courbevoie. Et ceux qui étaient déportés de France devaient prouver qu'ils avaient leur domicile en France. Mmh. Or, Avant la guerre. Or, leurs appartements n'existaient plus. Enfin, tout simplement. Enfin, ils étaient vidés du contenu. Quelqu'un d'autre vivait dedans. Donc, les papiers étaient partis. Et la grande différence aussi, c'est quelqu'un qui était déporté en tant que résistant revenait, la famille était là, son conjoint pouvait prendre un congé. Pour les Juifs, ce n'était pas la même chose. Mmh. Si quelqu'un revenait, et encore c'était très rare, la personne revenait seule. Leur femme, enfant, père, grand-père étaient déportés et assassinés. Donc ce n'est pas du tout la même situation. Alors vous assistez beaucoup dans votre livre, Jean-Marc Dreyfus, dans l'impossible réparation. Et c'est les travaux que moi je n'avais pas lus en l'occurrence autour de ces questions-là, sur les négociations aussi autour de ceux qui sont morts. Parce qu'il y a aussi des négociations sur, d'une certaine façon, le prix des morts, pourrait-on dire, qui sont des négociations qui nous apparaissent un peu pénibles vu de maintenant, mais qui d'une certaine façon sont nécessaires entre deux États qui ont subi la perte de leurs ressortissants, en particulier la France en l'occurrence, vis-à-vis de cette Allemagne. Et ça, ce sont des négociations qui vont durer assez longtemps après-guerre, Jean-Marc Dreyfus. Oui, Annette Wiewiórka a mentionné l'accord de Luxembourg qui est resté dans les mémoires, qui est resté très symbolique. Je décris cet accord qui a été déjà décrit par certains de nos collègues allemands. C'est l'accord de 1960, franco-allemand, qui a été signé en juillet 1960, qui est un de ces accords que les Allemands appellent Global Abkommen, c'est-à-dire c'est un accord bilatéral. Et l'Allemagne, donc fédérale toujours, s'engage à verser en deux fois une somme qui est très importante, qui est de 250 millions de Deutschmark de l'époque, donc ça correspond à un demi-point du budget de l'État allemand annuel. Donc c'est pas. Il faut dire que la France réclamait beaucoup plus, elle réclamait 605 millions de Deutschmark, hein, c'est ça. Voilà, donc au tout départ. Et l'Allemagne s'engage à verser cette somme. Après, je dois le dire, donc 10 ans de négociations de chiffonnier, hein, c'est vraiment négociations très très serrées. Alors, autant pour l'accord de Luxembourg, il y a une volonté allemande, du nouveau leadership allemand, en particulier d'Adenauer, de faire un geste envers le nouvel État d'Israël, au nom, on le rappelle, de la réinstallation des survivants de la Shoah dans le nouvel État. Ça, c'était ce qui était mentionné. Autant, il y a eu un refus constant, très très ferme, des Allemands de dédommager non seulement les victimes françaises, mais toutes les victimes d'Europe de l'Ouest. Les victimes d'Europe de l'Est survivantes, on n'en parle même pas. Hein. C'est la doctrine Hallstein qui s'applique. Il n'est même pas question de leur donner quoi que ce soit. Et les Français sont particulièrement durs dans les négociations. C'est pour ça que ça a pris du temps. Et finalement, ils vont obtenir pas mal. Et à un prix certain, qui est d'abord, on tourne la page. On tourne la page et on passe à des négociations plus importantes. Donc là, on est en pleine crise de Berlin, il y a le mur, et on commence à négocier le traité d'amitié franco-allemande. De Gaulle en fait une condition. Il dit aux Allemands, si vous ne réglez pas cette question des dédommagements aux victimes françaises du national-socialisme, on continue pas les négociations. C'est première condition. Et la deuxième condition à poser, c'est qu'on ne discute pas de la qualité de victime. Les Allemands ne veulent pas savoir qui est victime. Est-ce que ce sont les Juifs? Est-ce que ce sont les résistants? Et alors, curieusement, on le voit très bien dans les négociations, là encore, on a une abondance de matériel, puisque les diplomates passent leur temps à faire des rapports, à faire des télégrammes diplomatiques. Les Allemands disent, nous, on veut indemniser que les Juifs, et les Juifs survivants. Pas les ayants droit, etc. Et les Français disent, nous, on ne fait pas de différence. Annette Wiewiórka a bien décrit cette mémoire comme ça, unifiée de la déportation. Mmh. Et cette mémoire unifiée de la déportation, elle est mise en œuvre politiquement et, je veux dire, financièrement. Et les Français veulent pour tout le monde, à condition que ces survivants ayant droit, orphelins, etc., soient de nationalité française en 60. Donc ça va exclure certaines personnes. Donc il y a une espèce de prix du silence, comme ça, et les Allemands vont payer. Je dois dire qu'ils ont payé aussi à tous les pays occidentaux. Le seul pays à l'époque, et c'est ça qui est intéressant, qui a refusé d'entrer dans ces négociations pour ses propres ressortissants victimes du national-socialisme, ce sont les États-Unis. Ouais. Il se retire de cette négociation qui au départ est multilatérale, ce qui contraste naturellement très fortement avec le retour des États-Unis dans les années 90. Dans les années 90, voilà. Annette Wiewiórka. Oui, l'étude par Jean-Marc Dreyfus de cet accord de 60 est, en ce qui concerne les historiens français, totalement neuve. On savait quasi rien sur. On savait qu'il existait, mais on savait rien. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre cet accord du Luxembourg, avec ce dont je parlais, de 52, qui s'appelle peut-être traité du Luxembourg, et qui est une sorte de triangle entre les grandes organisations juives, l'État d'Israël, et qui a eu des conséquences énormes, non seulement pour la vie des victimes, qui ont été très largement indemnisé. Et le troisième acteur, c'est la République fédérale. Et la République fédérale. Et, c'est des accords très compliqués, hein, c'est souvent très technique, mais c'est aussi sous forme de livraison de marchandises. Alors, en Israël, il y a des gens qui disent « Ici, c'est Adenauer Gas, parce que toutes les maisons ont été construites grâce à ces réparations. » Et ça a participé aussi du miracle économique allemand, puisque l'industrie allemande a travaillé aussi pour des livraisons à l'État d'Israël. Ça a été très important aussi économiquement. Alors, une deuxième archive que vous avez choisie dans le fond gigantesque de l'INA, en l'occurrence, Anaïs Kien. Oui, il s'agit d'une chronique de la Ligue des droits de l'homme qui était diffusée à l'époque à l'antenne de la radio française. Donc, c'est Émile Kahn qui appelle à l'aide pour aider justement une juive victime de sévices, d'expériences médicales au sein d'un camp qui ne trouve pas d'interlocuteur, et on se trouve à ce moment-là en avril 1950. Maintenant, c'est un appel à l'aide que je lance. L'affaire qu'il exige est affreuse. Une jeune fille juive de nationalité polonaise dont le nom importe peu a été arrêté par la Gestapo dans la ville de Lublin en 1941. Elle avait alors 17 ans, condamnée à mort comme résistante, graciée en raison de son âge, elle fut déportée en Allemagne au camp sinistre de Ravensbrück. Le 15 août 1942, elle y servait de sujet à cette barbarie scientifique que l'inconscience et le cynisme des bourreaux appelaient une opération expérimentale. Deux médecins nazis, le professeur SS Gebhardt et son assistant, le docteur SS Fischer, lui firent une injection de bacille dans l'os de la jambe droite. 8 ans sont passés depuis. Non seulement la plaie locale n'a pas guéri, mais l'infection s'est répandue et envahit tout l'organisme. La patiente, réfugiée en France, est en traitement à l'Institut Pasteur. Mais comment la traiter? Elle n'a pas su. Personne ici ne sait la nature exacte du mal qu'on lui a inoculé. La voilà donc à 25 ans, traînant dans les hôpitaux une vie gâchée, torturée, sans espoir. J'ajoute, sans ressources. Elle demande réparation. Elle l'a demandé au tribunal de REP de Nuremberg, qui n'a pas répondu. Elle l'a demandé à la Croix-Rouge de Genève, qui n'a pas répondu. Ne relevant plus d'aucune nationalité, aucun gouvernement n'a qualité pour soutenir son droit, pour défendre ses intérêts et pour saisir, par exemple, le tribunal de La Haye. Voilà pourquoi je crie à l'aide. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Vous écoutez France Culture, cette émission d'aujourd'hui est consacrée dans notre série sur le 70e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz-Birkenau, donc à la question des réparations, des restitutions après-guerre, et nous venons d'entendre une archive de 1950, donc la Ligue des droits de l'homme, Émile Kahn, qui intervenait pour appeler à l'aide pour une jeune juive polonaise donc, qui avait été donc, torturée et sur lesquelles les nazis avaient fait des expériences à Ravensbrück. Un petit mot, Annette Wieworka, de cette question particulière qui était les expériences sur... Très rapidement, ça a été des expériences sur les sulfamides qui ont été faites par le médecin qui est mentionné, qui n'avait pas réussi à sauver Heydrich. Donc pour montrer qu'on ne pouvait pas sauver, on a infligé à des Polonaises, je pense qu'elles n'étaient pas juives, des blessures qu'on infectait et qui les a rendus infirmes. Ces personnes ont été sauvées par les femmes de Ravensbrück, Germaine Tillon, Anis Postel-Vinet, et je pense qu'on en reparlera au moment de la panthéonisation. Et ces femmes ont fait preuve après d'une immense solidarité en montant des campagnes médiatique, pourrait-on dire, et en essayant absolument que ces femmes soient indemnisées. Mais ce que dit aussi Émile Kahn là, c'est le problème d'identifier les interlocuteurs pour ces individus perdus dans la machine qui ne savent à qui s'adresser pour se voir rendre justice. Absolument. Mais l'histoire des interlocuteurs et des démarches juridiques, j'avoue que je l'ignore. Mais alors justement, Jean-Marc Dreyfus, vous mentionnez dans votre livre L'impossible réparation qui vient de sortir chez Flammarion, vous mentionnez ce nom d'Anis Postelvinet et celui de Germaine Tillion en disant qu'elle représente un cas unique, d'après ce que vous avez cru déterminer dans les archives. Ce sont des victimes qui viennent en tant que représentants des victimes pour prendre part à la négociation. Vous dites, en fait, ce sont des négociations, ces négociations qui se sont déroulées après-guerre, entre États, et les victimes n'ont pas leur mot à dire, d'une certaine façon, mais il y a un cas unique, et ce cas unique, c'est celui d'Anis Postelvinet, justement, qui vient au nom d'une association, je crois que ça s'appelle l'ADRIR, ou quelque chose comme ça. L'ADRIR, voilà. L'association des femmes résistantes, avec Geneviève de Gaulle. Enfin. Voilà, et donc, elles viennent participer, elles forcent un peu la porte pour pouvoir participer à ces négociations des années, la fin des années 50, en l'occurrence. Oui, alors c'est très frappant, parce que ces négociations des années 50, on est avant l'ère du témoin, pour mentionner le titre d'un livre d'Annette Vivian. Cas les diplomates vont négocier au nom des victimes. Ils vont écouter quand même les associations de victimes, les grandes fédérations, par le biais du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, donc à l'époque Raymond Triboulet, qui est très actif. Mais les diplomates ne veulent surtout pas que les victimes arrivent et soient autour de la table et mettent leur grain de sel. C'est la société civile, c'est pas des gens très sérieux, c'est eux qui ont les dossiers en main. Et on voit les associations de victimes qui sont d'ailleurs, c'est très frappant, c'est des associations qu'on connaît plus. C'est-à-dire, il y a des grandes fédérations qui apparaissent dans les années 50, il y en avait 7 à l'époque, voilà, qui étaient enregistrées, et puis qui disparaissent, qui n'ont pas une grande longévité. Et les seules qui arrivent à se faire entendre, ce sont ces femmes. Alors, on peut imaginer parce qu'elles ont un entregent politique, Anis Postelvinet, son mari, André Postelvinet, la famille même, ce sont des grands serviteurs de l'État. Il y a Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est donc membre du comité central du Parti communiste. Il y a Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion. Et elles arrivent à mettre le pied dans la porte, et ce sont les seules qui vont accompagner à l'une des réunions, je dois dire, une seule réunion, la délégation française qui va négocier à Bonn ce fameux accord bilatéral de 1960. Et ça marche, puisqu'il y a une clause qui est ajoutée dans l'accord de 1960, qui crée, avec l'argent, les 250 millions de Deutschmark versés par l'Allemagne, un petit fonds pour indemniser spécifiquement ces victimes donc d'expérimentations médicales, en particulier donc ce qu'on a appelé les lapines de Ravensbrück. Anaïs Kien. Je vais freiner un tout petit peu dans la chronologie qu'on suit jusqu'à présent, Johanna Linsler. Il y a aussi tout un tas d'objets qui sont réclamés par leurs propriétaires, des objets saisis dans des appartements, dans des garde-meubles, des appartements eux-mêmes d'ailleurs qui ont changé d'occupant pendant la guerre, puisque certains avaient fui, certains avaient été déportés, certains ont disparu. Et ces objets, il y a des œuvres d'art, c'est le sujet qu'on connaît le mieux et qui traverse la frontière médiatique le plus facilement. Mais il y a aussi tout un tas d'objets ordinaires, tout un tas d'objets familiers, tous ces héritages du quotidien, de petites choses dont les États peinent à savoir ce qu'ils doivent en faire, comment ils doivent traiter le dédommagement de cette perte, et aussi comment retrouver, lorsque les objets sont encore sur le territoire national, comme en France au lendemain de la guerre, il y en a quelques-uns qu'on retrouve encore, notamment énormément de pianos. La difficulté est de faire identifier ces objets et de leur trouver un statut légal. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Johanna Linsler ? Eh bien, notamment que vous dites qu'il y a un tas d'objets, mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas tout un tas d'objets. C'est-à-dire que les objets, dans leur immense majorité, ont été emportés en Allemagne par les services du parti nazi et repartis là-bas entre les services du parti et la population civile. Donc les objets sont littéralement ont été disparus, liquidés, redistribués, non identifiables, non retrouvables. Avec une exception, enfin deux exceptions, celle des quelques wagons ou entrepôts interceptés à la libération de Paris, il y avait quelques entrepôts encore remplis jusqu'au plafond de ce butin-là qui était issu des appartements spolier des juifs. Des pianos, puisque c'est gros, encombrant, ont été aussi sauvegardés, enfin gardés sur place assez longtemps et donc ont été interceptés. Ces objets-là ont fait l'objet d'une d'une exposition sur à la porte de Versailles pour que les gens viennent les réclamer, ceux à qui c'était viennent les réclamer. Évidemment, ça n'a pas pu marcher plus que ça puisque primo, c'était qu'une partie infime, et deuxièmement, on ne peut pas identifier son sommier, sa table parmi les milliers d'autres tables et de sommiers. Mais c'était une tentative faite par l'État français de restituer ce qui était disponible au véritable propriétaire. Finalement, l'option a été prise de distribuer aux gens dans le besoin les choses par équivalence. Qui n'avaient pas été récupérées. Ou de leur revendre parfois d'ailleurs. Ou de leur revendre. Et en ce qui concerne les pianos, de leur attribuer un piano pour qu'ils puissent travailler. C'était souvent des professionnels de la musique. Et donc ils avaient besoin d'un outil de travail pour les pianos. Pour les livres, c'était la même chose. Donc les gens pouvaient récupérer des livres qui étaient à peu près ce qu'ils avaient perdu. Juste une exception, c'est celle des biens culturels dont font partie les objets, enfin les œuvres d'art, pour lesquelles la France a fait des efforts particuliers. On a écouté en introduction cette archive INA où on nous parle donc en 1946 d'une exposition qui a eu lieu à l'Orangerie. Le présentateur dit des collections françaises retrouvées en Allemagne. Or, il y avait évidemment des biens qu'on pourrait appeler français dans cette exposition, notamment le traité de Versailles qui a été volé par les Allemands et récupéré, qui figurait dans cette exposition. Mais dans ce que dit le présentateur, les Watteau, les Fragonard, etc., c'était effectivement donc des œuvres d'art qui étaient pas vraiment françaises, c'était pas des œuvres qui ont été volées dans les musées français qui faisaient partie du patrimoine français, mais que c'était, et en gros, le directeur de la commission de récupération artistique le dit, collection particulière. Donc c'était des biens qui étaient spoliés à des collectionneurs privés. Juifs, c'est pas dit, mais enfin c'était le cas. Mais français quand même. Oui, français. Ouais. Annette Wieworka, il y a quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer et que peut-être un scénariste pourrait nous restituer, lui, en l'occurrence. C'est justement cette immense pagaille d'après-guerre. C'est-à-dire, non seulement on a perdu dans les camps une partie de sa famille, voire la totalité de sa famille, on revient dans un endroit qu'on pense être le sien, mais il y a des gens qui sont dans les appartements qui étaient les vôtres auparavant. On ne retrouve plus aucun objet de famille. Il y a comme une sorte de déréliction qui vous tombe, une seconde déréliction qui vous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut expliquer de cela, de cette ambiance-là, de ce moment-là, de ce moment très particulier où ceux qui reviennent se retrouvent non seulement avec une partie de leur famille qui a disparu, mais aussi sans rien, sans toit pour coucher, avec la nécessité de se retourner, comme disait d'ailleurs très bien Anaïs tout à l'heure, vers qui pour pouvoir toucher quelque aide pour continuer à vivre. Alors d'abord, il faut toujours garder à l'esprit le décalage chronologique entre la libération de la quasi-totalité du territoire français et le retour de ce que le ministre Freinet avait appelé d'un terme générique les absents. C'est presque une année. Donc ça veut dire que ceux qui rentrent de déportation, s'ils n'avaient pas de la famille cachée en France, qui était, comme on dit, remontée à Paris, parce que c'est quand même Paris, et la région parisienne qui était la grande zone des Juifs, se retrouvent effectivement sans rien. Alors, il y a quand même beaucoup d'aide. Alors, tout à l'heure, Johanna a mentionné ce qui était donné comme aide. Dans un pays, il faut quand même se rappeler que la France était exsangue. Il y avait encore du rationnement. Il y a encore des cartes de rationnement. Donc, il y a eu une crise du logement qui est pire que celle que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc, il y avait ce contexte-là. Et je crois que en ce qui concerne notamment les Juifs immigrés, qui ont été plus, pour diverses raisons sociales et de nationalité, plus victimes que l'ensemble des autres Juifs, c'est les organisations juives qui ont beaucoup aidé. Et notamment Il y a un livre d'une jeune historienne qui parle de plan Marshall juif pour l'action qui a été celle d'une grande organisation caritative, comme on disait pas à l'époque, qui s'appelle The Joint. Et les choses se sont passées finalement simplement. Le tailleur qui rentrait, qui récupérait un appartement, récupérait une machine à coudre grâce aux diverses organisations, il se remettait au travail, point final. Anaïs. Oui, oui, Jean-Marc Dreyfus, on va vous donner la parole. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, Jean. Oui, allez-y. Juste pour dire brièvement, je souscris tout à fait à ces descriptions, mais il faut quand même ajouter qu'il y a une volonté de la part de l'État français, et ça, les chercheurs de la mission Matteoli l'ont bien décrit, de tout de même essayer de réparer, de restituer ce qui a pu l'être. Alors, une vision, quand on voit une vision micro, on a effectivement les problèmes, les délais, etc. Une vision macro, qu'on peut avoir maintenant, avec un recul de 70 ans est plus positive, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de cas qui ont été résolus de restitution d'appartements rendus. Anaïs Kien, justement, puisque vous évoquez on évoque ces questions-là, vous avez saisi une archive dans le fond de l'INA. C'est un élu de Paris à l'époque, il est très connu, il était l'élu du 4e arrondissement, il s'appelait... Lucien Finel, voilà. Au micro de Benoît Colomba, qu'on va entendre tout de suite, qui était conseiller municipal UDF à l'époque, et qui prend la parole au moment du retour de ces débats dans les années 90 sur la question des spoliations et des dédommagements. Donc on est en 1997 et il témoigne sur son histoire familiale. Nous avions quitté avec ma mère et ma sœur notre appartement le 13 juillet 42 au soir, car nous étions informés que le 16 juillet aurait lieu une rafle très importante à Paris. Moi, j'ai quitté Paris pour rejoindre un maquis. Et lorsque je suis revenu, l'appartement était occupé par une famille de réfugiés du Nord. Et il a fallu entamer des procédures longues et coûteuses pour expulser la famille qui l'occupait en tout bien tout honneur, puisque l'appartement lui avait été attribué par la préfecture de la Seine à l'époque. Est-ce que vous pensez que la commission peut vraiment tirer au clair tout ce qui s'est passé pendant cette période ? Écoutez, ça dépend ce que vous appelez tirer au clair. J'ai eu l'occasion de compulser moi-même les dossiers. Le travail est fait très sérieusement, très très sérieusement, puisque j'ai retrouvé des noms de famille et de camarades que j'ai connus enfant. Ben, je pense que c'est une mesure excellente. Il est dommage qu'elle vienne, non pas une mesure, mais une étude excellente. Il est dommage qu'elle vienne seulement 50 ans après les fêtes. Alors voilà, ça c'était à propos du travail d'une commission dans laquelle vous avez travaillé vous-même, donc Annette Vivurca, à savoir cette commission Matteoli, donc qui devait clore momentanément ces questions des réparations dans les années, à la fin des années 1990, et combler ce que Jean-Marc Dreyfus appelait les trous qui étaient restés des restitutions et des réparations précédentes. Si Jean-Marc me le permet... Moi, j'aurais, pour la réparation, utilisé autre chose qu'impossible. J'aurais utilisé un terme freudien, interminable réparation. C'est vraiment, oui. Je crois qu'on est assez d'accord sur cette question. C'est un phénomène... Alors, on peut dire que le génocide des Juifs est unique, mais ces réparations, restitutions multiformes qui s'étalent jusqu'au dernier accord qui a été signé entre le gouvernement français et les Américains, c'est quelque chose... d'inouï. L'histoire des œuvres d'art, elle est aussi interminable. Oui. Et on ne voit même pas comment on pourra la terminer. La question de l'or à laquelle je consacre un chapitre, on a été clos qu'en 98. Dans la précipitation, en fait. Donc on a quelques... Oui, mais aucun autre événement de l'histoire, par exemple si on prend ce qui s'est passé au Cambodge, au Rwanda ou en Arménie, n'a fait l'objet de ces politiques multiples de réparation. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Bon, c'est aussi lié à des situations économiques. Oui, tout à fait. De paix aussi. Comment ? C'est aussi lié à une situation de paix. L'Europe est en paix depuis 70 ans. Ouais. Mmh. Et c'est effectivement après la chute du mur... que ça revient essentiellement les banques et les œuvres d'art. Et ça a un effet d'entraînement. Et je voudrais dire que le choix français qui a été fait par les membres de la mission Matteoli, ça a été de faire un travail historique, c'est-à-dire d'adosser les mesures qui ont été prises sur un travail historique qui a été mené rondement. Ce qui n'a pas été le cas en Suisse du tout, par exemple. Ce qui n'a pas été le cas d'un certain nombre d'accords, et d'ailleurs ça n'a pas été le cas en France sur un certain nombre d'accords, qu'il y a une pression américaine très forte. Jean-Marc disait tout à l'heure ce que j'ignorais, que les Américains s'étaient retirés de toutes les négociations, mais on peut dire quand même que les Américains sont revenus après en force, encore, oui. Dans les années 90. Et les négociations autour de la SNCF récemment, etc. Voilà, etc. Voilà, ça continue. Sont des négociations qui continuent. C'est pour ça que le terme interminable... Qu'est-ce que vous en pensez, Johanna Hensler, justement, de cette question de ces interminables négociations autour de ces réparations d'après-guerre ? Non, en fait, je pense que c'est les deux. C'est interminable et impossible en même temps. C'est interminable. C'est pour ça que c'est assez interminable, d'ailleurs, car c'est impossible. Oui, c'est interminable parce que les, par définition, les biens matériels, que ce soit une œuvre d'art, un lingot d'or ou même un titre en bourse, du moment que c'est matériel, c'est pérenne. Donc, c'est pas une personne qui meurt et qui n'a plus droit à une pension parce qu'elle est morte, enfin, crûment dit, mais c'est un compte ouvert, un dossier ouvert, non clôturé. Donc, du moment que c'est pérenne, c'est interminable, puisqu'on peut toujours trouver des questions qui ne sont pas résolues. Et c'est impossible parce que, à mon sens, parce qu'en fait, toute réparation de ce type, c'est toujours qu'on répond, en fait, au crime, à un crime. Donc là, j'essaie d'utiliser des catégories de droit, hein, pénal et privé. On répond à un crime, qui le crime des crimes, le génocide, un crime contre l'humanité, avec des moyens du droit privé, restitution, indemnisation, dommages et intérêts, etc. Donc en fait, là, il y a un problème peut-être symbolique qu'on répond à quelque chose d'extrêmement grave par un langage et des outils qui sont plutôt presque anodins. Oui, mais au service tout de même aussi de politique symbolique, tout de même, Annette Wieworka, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des restitutions et des réparations financières, mais évidemment ces réparations financières sont au service aussi de politique symbolique, de création d'institutions qui permettent de faire perdurer la mémoire de ce qui s'est passé, d'implantation de plaques, de choses qui permettent au bout du compte qu'on n'oublie pas. Il y a donc les deux politiques qui sont menées plus ou moins de front. Le symbolique a toujours été présent. Avant la négociation du traité de Luxembourg qu'on évoquait tout à l'heure, il y a eu un grand discours d'Adenauer à la Knesset. Et l'exigence du discours d'Adenauer était une exigence posée par les Israéliens. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir ce type de réparation et d'indemnisation qui ont un côté très trivial, finalement, comme vient de l'expliquer Johanna, que si on met des mots. Alors, ce qui se passe actuellement... Des mots et de la publicité. Mots et de la publicité. Ce qui se passe actuellement, puisque ça a été quand même dit continuellement ces deux derniers jours, c'est qu'on arrive à un moment où les victimes directes ne seront plus parmi nous. Et les relais sont pris par diverses institutions, fondations, enfin tout ce que vous voulez, qui sont abondés, qui fonctionnent. Nos associations d'avant, elles étaient bénévoles, c'est des militants qui fonctionnent parce qu'elles sont abondées par la CLEMS, par ce qui s'est passé après la mission Matteoli, qui a permis notamment de créer la fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc qui dépendent de ces réparations financières. Et qui dépendent de ces réparations. Et ce sont ces institutions qui vont assurer ou qui se donnent pour objectif d'assurer la pérennité. Un point que j'ai noté en vous lisant, Jean-Marc Dreyfus, qui m'a profondément surpris. Vous dites que dans les papiers que vous avez pu consulter, en particulier les papiers diplomatiques, dès le moment où Israël demande réparation à l'Allemagne, il y a une demande conjointe de beaucoup de pays arabes, dites-vous, et en particulier, vous semblez dire que la Ligue arabe aurait été à l'origine de cette demande conjointe, pour que ces réparations aille directement aux Palestiniens expulsés de leurs terres dès 1948-1950, c'est ce que vous expliquez. Et ça, j'ai trouvé ça très étonnant de voir ces démarches diplomatiques de pays arabes. On termine là-dessus très brièvement, parce que c'est un point nouveau à mes yeux, en tous les cas. Dès le début, pour pouvoir dire, eh bien, écoutez, Israël pratique une politique de colonisation dans nos terres, et donc ces réparations doivent aller à ceux qui sont spoliés sur le territoire de la Palestine. Alors, ça va au-delà, parce qu'il y a ces télégrammes, enfin, ces lettres diplomatiques qui sont envoyées par les différents ambassadeurs de France dans les pays à ce moment-là arabes indépendants. Ils ne sont pas très nombreux. La protestation est la suivante. Il est bien spécifié que pour les pays arabes, les vrais nazis, ce sont les Israéliens. Donc, on a ce retournement. Et que les vraies victimes, ce sont les Palestiniens. Et que l'argent donc allemand devrait être versé directement aux pays arabes. Ce qui est nouveau, en fait, vous lisant, c'est qu'effectivement, des accusations qui sont portées, qu'on entend aujourd'hui sur beaucoup d'internet, etc., pro-arabes, pro-palestiniens, etc., ces accusations sont plus anciennes que l'on pouvait l'imaginer. Elles sont là et elles sont tout à fait officielles. C'est-à-dire que ce sont les ministres des Affaires étrangères, donc dans ce cas du Liban, de l'Irak et de l'Égypte, qui vont le signifier officiellement aux ambassadeurs, aux diplomates français. Et ça crée d'ailleurs toute une série de conflits avec l'Allemagne, parce que les Allemands ne veulent pas payer aux pays arabes, pour les Palestiniens. Mais alors, il y a des délégations d'Allemagne de l'Est qui immédiatement vont se rendre dans les pays arabes. Donc, la République fédérale, qui est en train de reconstituer sa diplomatie, va ouvrir des ambassades. Mmh. Donc, ça a des conséquences tout à fait multiples jusqu'à aujourd'hui. Et il y aura une succession de crises. Chaque fois qu'il y a une nouvelle loi allemande de réparation, et elle continue jusque dans les années 70, il y a des protestations arabes officielles. Merci en tous les cas, Jean-Marc Dreyfus, et bravo pour ce livre qui s'appelle donc « Impossible » et non pas avec un autre titre qui a été suggéré par Annette Vivorca. L'impossible pour le deuxième tome. L'impossible réparation et non pas la terminable réparation. Impossible réparation, c'est chez Flammarion. Donc, déporté, bien spolié, hors nazi, compte bloqué, criminel de guerre. Et puis, il faut mentionner votre livre où on suit le périple de ces deux personnages qui sont photographes l'un et journaliste et écrivain l'autre, à la découverte des camps et qui nous replace, Annette Vivorca, dans le moment justement où on ne savait rien et où ceux qui arrivaient découvraient ce qu'étaient ces camps d'extermination ou ces camps nazis. Ça s'appelle 1945, la découverte, et c'est publié au Seuil. Et pour vous, eh bien, on attend, Johanna Nisler, la soutenance de votre thèse dans quelques temps, on espère, autour de cette question des restitutions et des réparations d'après-guerre. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marseille. Emmanuel Dupuis était avec nous à la technique et à la réalisation. Françoise Camard. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ou toutes les autres émissions de cette semaine ou de la semaine passée et des années précédentes, puisqu'on peut le faire pendant 3 ans, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez également télécharger ces émissions dans le mois qui suit, l'année qui suit leur diffusion, et laisser surtout vos commentaires. Vous avez été très nombreux à commenter le documentaire d'Anaïs Kien et de Françoise Camard sur le Struthof. Hier, laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur le groupe Facebook.